Pro, pardon. Donc, l'histoire de Carole s'est passée. Moi, j'étais dans les studios à la pluie. Et elle m'a dit comme ça. Et un jour, et après, il y a eu un accident. Donc, je me suis dit, donc, maintenant, après, elle m'a dit comme ça, oui, voilà, j'ai été trop vite. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. Pourquoi il nous laisse tomber? Mais alors, choisissez. Pour ou contre, au contraire, voilà. Même si. Mais, je vais vous dire une chose. Une. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je découvre en même temps. Hein. C'est bien. C'est émouvant ce que t'as dit. Mais attends, t'as pas été jusqu'au bout, là. Ouais, il a coupé à moitié, Olivier, là. Il a fait un résumé. Non, mais il fallait laisser tout le truc entier. Bon, attends. Parce que c'est vous, on réécoute. Écoutez bien. Donc, l'histoire de Carole s'est passée. Moi, j'étais dans les studios à la pluie. Et elle m'a dit comme ça. Et, un jour, et, après, il y a eu un accident. Donc, je me suis dit... Donc, maintenant... Après, elle m'a dit comme ça... Oui, voilà. J'ai été trop vite. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. Pourquoi il nous laisse tomber? Mais alors, choisissez. Pour ou contre, au contraire, voilà. Même si. Mais, je vais vous dire une chose. Une. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excellent, j'en pleure de rire. Résumé, donc, ce que nous a dit Gérard tout à l'heure sur 5 minutes. Il est possible qu'on ait un petit peu trop taillé dans la bande et qu'effectivement, il soit compliqué de comprendre. On le rediffusera demain, hein, entre 22h et minuit, parce que franchement, ça vaut le coup. Gérard! Gérard! Gérard! Il est où? Gérard! Gérard! Allez, faut aller chercher Gérard là. Oh non, la crise de rire. Ah non, Gérard monte. Là, j'en pleure de rire. Ah non, bravo, là, bravo Olivier là. Bon, c'est vrai que t'as taillé un peu Gérard. Gérard est parti du studio, n'était pas content parce qu'il disait que...